La présence en masse des tomates marocaines sur le marché européen, en particulier en Espagne, suscite la colère des agriculteurs et exportateurs espagnols. Malgré leurs efforts pour promouvoir et exporter les tomates locales, leurs homologues marocains continuent de les envahir. José María Pozancos, directeur de l'Union des fruits et légumes en Espagne, exprime sa préoccupation quant à l'apostrophe invasion des tomates marocaines et turques sur le marché local, soulignant que le Maroc est bien en avance sur l'Espagne dans ce domaine agricole. Dans une déclaration au journal espagnol El Economista, Pozancos souligne que le gouvernement de Pedro Sanchez ne prend aucune mesure pour contrôler cette invasion des tomates marocaines sur le marché local. Les agriculteurs espagnols, en particulier des îles Canaries, demandent l'arrêt du processus d'entrée en masse des produits agricoles marocains, en particulier des tomates, en raison de la forte demande qu'elles suscitent, mais également leur bas prix conjugué à une haute qualité. L'expert économique Mehdi Lalou note que la présence en puissance des tomates marocaines sur les marchés européens, notamment en Espagne, soulève de nombreuses questions quant à la stratégie adoptée par le Maroc pour faire face à l'inflation locale.